3B. A. Allô? Bonjour Roxane, c'est Luc. Ah, bonjour Luc. Dis-moi, est-ce que tu es libre ce week-end? Oui, pourquoi? Eh bien, j'ai deux entrées pour le concert de M, samedi soir. Ah oui? Génial! Ça te dit de venir avec moi? Oui, merci pour l'invitation. B. Qu'est-ce que tu fais, toi, ce week-end? Moi, j'ai très envie d'aller danser. Avec Samuel, on va au Macadam Pub vendredi soir. Il y a Tête en l'air, tu sais, le groupe de fil. Ça va être génial. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, devine avec qui je sors. Avec Luc? C'est pas vrai! Si, si, il m'invite au concert de M. Super! C. Qu'est-ce qu'on fait samedi soir? Il y a le festival du film d'action pendant tout le week-end. Il passe le dernier Besson. Ouais, je l'ai vu. C'est pas terrible, hein? Bon, en plus, moi, les films d'action, c'est pas mon truc. Et si on allait au théâtre? J'ai entendu parler de cette pièce avec Patrice Chéreau. Il paraît qu'elle est géniale. Ah ouais, pour moi c'est d'accord. Et toi Thomas? Ouais, pour moi aussi. On prévient Luc? Ok, je m'en charge. D. Allô? Allô, Luc? Ah, salut Yasmine. Écoute, samedi soir on sort avec les copains. Tu veux venir? Je suis désolé, mais je ne suis pas libre au samedi.